Voilà, bien-aimés, vous avez entendu la première lecture avec moi, qui est une très belle lecture, un très beau texte de saint Paul. Nous sommes en plein dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, chapitre extrêmement important, avec le chapitre 13. Enfin, tout est important, bien sûr. Mais là, c'est très beau. Voyez, nous avons une comparaison de l'Église. Alors, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas l'unique fois où saint Paul en parle. L'Église, nous qui sommes ici, puis tous nos frères et sœurs qui ne sont pas aujourd'hui parmi nous, mais qui sont membres de l'Église, comme d'un corps, voyez, comme d'un corps. Et ce corps qui doit être traversé par le Saint-Esprit, qui est vivifié par l'Esprit de Dieu, par le feu, comme il dit. N'éteignez pas le feu, dit saint Paul. Et ce feu qui fait que chacun dans le corps à sa place, comme chacun est un membre du corps, la main n'est pas le nez n'est pas la tête n'est pas les pieds, chacun a un rôle à jouer, une place, un charisme, un don, des talents qu'il doit absolument mettre en œuvre, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, pas simplement dans son coin à lui, pas simplement pour se faire voir, pour se faire valoir. Chacun doit mettre en œuvre les dons qui lui ont été faits par Dieu pour le bien de la communauté dans l'Esprit Saint. Et c'est absolument fondamental de comprendre ça quand on fait partie de l'Église. On voit trop souvent des chrétiens, vous voyez, qui n'ont aucun rayonnement évangélique, qui ne sont absolument pas prophétiques dans leur vie. Ils viennent à la messe, mais ils n'ont aucun rayonnement autour d'eux. Alors il y a peut-être des choses cachées, bien sûr. Hein, on ne peut pas juger. Attention, c'est difficile de juger, hein, il faut faire très attention. Mais tout de même, on remarque que, parfois, eh bien, la paroisse ne grandit pas. C'est absolument anormal. Si le feu couve dans le cœur de tous les chrétiens, si le feu brûle dans l'assemblée, dans la communauté, elle grandit naturellement, obligatoirement, parce que tous les talents sont mis au service de l'Évangile, et alors, elle attire les âmes. Alors, c'est une occasion pour nous de nous poser la question. Mais alors, est-ce que le feu brûle en moi ? Est-ce que je mets en œuvre tous les dons que Dieu m'a donnés, tous mes charismes, toutes mes grâces? Est-ce que j'ai fait attention même aux talents que j'ai? Est-ce que je m'en suis rendu compte que j'avais des talents, des dons? Et est-ce que je les plonge dans l'Esprit Saint pour les mettre au service du Seigneur, joyeusement, avec toute mon énergie, sans oublier bien sûr de me remplir moi-même de l'Esprit de Dieu sans cesse? Alors ça, c'est très important, frères et sœurs, de bien comprendre ça. Il faut nous faire notre autocritique. Hein. Il faut nous regarder un petit peu avec lucidité et nous rendre compte que nous ne donnons pas notre plein potentiel, vous comme moi. Alors il faut se ressaisir tous ensemble aujourd'hui pour demander au Seigneur de nous donner l'Esprit Saint. Alors je ferai quand même un petit mot sur l'Évangile parce que c'est en lien. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus est en train de parler, il parle certainement du royaume de Dieu. Il parle du ciel, comme personne n'en a jamais parlé. Et donc tout le monde a les yeux rivés sur lui, suspendus à ses lèvres, complètement subjugués par la beauté de ses paroles. Et il y a un homme qui, débordant de désir et de feu, justement, du feu qui sort de la bouche de Jésus, qui s'écrie « Oh ! Qui sont bienheureux ceux qui auront part au festin dans le royaume de Dieu ?» Il a bien compris que alors là, c'est vraiment le bonheur éternel. Et Jésus, en entendant ça, voit qu'il y a une occasion pour lui de faire un enseignement parce qu'il connaît les personnes qui sont devant lui, il nous connaît chacun d'entre nous, et il veut nous mettre en garde. Oui, ça sera merveilleux le royaume de Dieu, bien sûr. Le festin, ce sera un festin extraordinaire. Mais, regardez, il prend cette parabole, cette histoire qu'il raconte. Voilà, il y a un homme qui a préparé un grand repas. Bien sûr, nous avons compris qu'il s'agit de Dieu le Père qui a préparé ce festin des noces. Et il envoie ses invités, c'est-à-dire vous et moi, qui avons été invités au royaume au festin des noces de l'agneau. Hein, c'est ce que je veux dire tout à l'heure. Il envoie chercher ses invités. Et que se passe-t-il? Chacun des invités, attention, c'est chacun d'entre nous, a une petite excuse. Et il faut regarder ces excuses, parce que c'est là qu'est le problème. Première excuse, j'ai acheté un champ. Il faut que j'y aille le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle la concupiscence des biens, de l'argent. J'ai acheté un champ. Il y a peut-être un trésor caché dedans. Ce champ qui va me rapporter tant d'argent. Il faut absolument que j'en prenne soin, il faut que j'aille le voir, il faut que je vérifie, est-ce que tout est bien en place. Ce champ qui va faire pousser du blé. Et du blé, j'en vais plein mes greniers. C'est plus important que tout. Alors, ton bon repas, on verra plus tard. C'est très gentil, merci. Concupiscence de l'argent. Le deuxième répond, « Eh bien, moi, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Il faut absolument que j'aille m'en occuper. 5 paires de bœufs. » Alors, les pères de l'Église, vous voyez, qui avaient bien compris le langage de l'Évangile, qui comprenaient les symboles, nous disent, « 5 paires de bœufs, ce sont des paires. » C'est très important de comprendre ça. Comme vous avez 2 paires, 2 oreilles, 2 yeux, 2 nez, 2 narines, 2 mains, 2 pieds. Eh bien, les pères de l'Église nous disent, ces paires de bœufs correspondent aux 5 sens. 5 paires de bœufs, c'est les 5 sens. Et Jésus dénonce par là la concupiscence des sens, c'est-à-dire des plaisirs sensuels, sensibles. Quand nous sommes trop attachés à notre bien-être, à notre plaisir sensible, ton bon repas, écoute, là, moi, je suis bien au bord de la piscine, je bois mon coca, écoute, j'ai besoin de me reposer, de prendre du bon temps, et on verra plus tard. Alors, vous voyez, ça, c'est le problème de beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Attention, c'est la retraite, surtout pas trop fort le matin et doucement l'après-midi. Hein. On ne va pas y aller trop fort. Donc, l'évangélisation, c'est pas peut-être demain, on verra. Eh bien, vous voyez, ça nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire de vraiment nous mettre au service du Seigneur. Et puis le troisième, il est là. Et puis lui, c'est très simple. Lui, eh bien, il vient de se marier. Donc, eh bien, il doit s'occuper de son épouse. Autrement dit, il doit faire ses petites affaires avec elle. C'est plus important que tout le reste. Donc là, c'est le plaisir charnel pur. Et il dénonce là un plaisir qui peut vraiment nous détourner de notre vocation. Non pas qu'il soit mauvais, aucun des plaisirs n'est mauvais, bien sûr, si Dieu a permis le plaisir, c'est que tout est bon. Mais que ces plaisirs ne doivent pas nous détourner de l'amour de Dieu, de la mission que nous avons. C'est ça, entrer dans le festin du royaume. C'est nous mettre au service du Seigneur. Et ça, c'est un festin. Alors, voyez, frères et sœurs, toutes ces bonnes choses, l'argent, attention. Je dis une bonne chose, attention. Hein, c'est une invention du diable, hein, quand même s'il est très utile. Le bon Dieu sait bien s'en servir. L'argent, l'amour de l'argent, le bien-être qui nous prend, qui peut complètement étouffer notre cœur, et puis les plaisirs charnels, ces trois choses sont les trois grands foyers de la concupiscence, comme on dit dans notre langage théologique, et qui sont des choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume. Il faut les mettre à leur place, au service du Seigneur. Alors demandons dans cette Eucharistie, alors que nous approchons du festin des noces, que nous y allions vraiment avec notre cœur, et pas simplement pour manger l'hostie, et pour se dire, bon, c'est bien, j'ai accompli mon précepte. Non. Pour recevoir vraiment cette mission du Seigneur, pour entrer pleinement dans le royaume de Dieu, eh bien, prenons la résolution de mettre nos plaisirs et nos besoins sensibles au service de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.